J'ai vendu avant d'être un consommateur. J'écrivais toujours des rimes, j'ai ce côté revendicateur. Souvent on manquait des fraîches, l'argent me sert de ventilateur. Coup de couteau dans l'orifice, devant la mort t'as senti la peur. J'ai porté mes couilles, affronté la vie. J'suis devenu ce que je suis, aujourd'hui je suis riche et mon père est ravi. C'est vrai que j'ai changé de vie, mon avocat est juif et vient de Tel Aviv. Mon avocat est tellement fort que je dors tranquille si je t'enlève la vie. J'suis un Charles de Gaulle, c'est bon je m'en vais. J'suis en classe à faire, je vais m'allonger. Mes frères vendent le pain comme des boulangers. Faut que je sors du trou, je vais m'en aller. Moi, j'ai vendu avant d'être consommateur. J'écrivais toujours des rimes, j'ai ce côté revendicateur. Souvent on manque de fraîche, l'argent me sert de ventilateur. Coup de couteau dans l'office, devant la mort t'as senti la peur, peur, peur, peur. Le truc quand j'ai connu l'Afrique, j'ai compris qu'il fallait aider, donc j'ai connu le don, j'ai un follow la frime. Je vais acheter un flingue et je vais viser la lune. Je me suis toujours promis de jamais traîner pour ne pas faire une thune. Je fais des millions de vies.